إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. دبخ أبي هريرة radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah le Très-Haut a dit: quiconque prend pour ennemi un de mes alliés, je lui déclare certes la guerre. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime le plus, si ce n'est ce que je lui ai prescrit. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Puis si je l'aime, je suis alors son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il touche, son pied par lequel il marche. Et s'il me demande une chose, je lui accorderai. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je le protégerai. Rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Comme le hadith précédent, ce hadith est également un hadith qudsi, c'est-à-dire un hadith divin, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce hadith, selon le sens rapproché: quiconque prend pour ennemi un de mes alliés, c'est-à-dire celui qui manifeste de l'hostilité à l'encontre d'un serviteur pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala, un de ses alliés. En arabe, le mot « wali » que l'on peut traduire ici par « bien-aimé » ou par « allié ». Et qu'est-ce que le « wali » ? L'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit dans son noble livre qui sont ses alliés et ses bien-aimés. Lorsqu'il a dit dans Surat Yunus, au verset 62 et 63, « Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim, wa la hum yahzanun, alladhina amanu » En vérité, les bien-aimés ou les alliés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ne seront point affligés. Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné les caractéristiques de ses alliés et ses bien-aimés. Ceux qui croient, ceux qui ont la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi en son messager sallallahu alayhi wa sallam, la foi aux anges, la foi au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la foi au jour dernier et la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ceux qui croient, qui ont la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et qui craignent, qui font preuve de piété et de taqwa vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là sont ses alliés. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit: quiconque est croyant et taqi, pieux, qui manifeste de la crainte pieuse, de la taqwa, alors c'est un allié d'Allah. Et il a tiré cela du verset que l'on vient de lire dans Surat Yunus: Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui croient et craignent Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: quiconque prend pour ennemi un de mes alliés, je lui déclare certes la guerre. Et ce, car il a manifesté de l'hostilité à l'encontre d'un des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala: et mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par une chose que j'aime le plus, si ce n'est ce que je lui ai prescrit. C'est-à-dire les œuvres obligatoires, celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit à ses serviteurs. Donc les œuvres obligatoires, ce sont celles qui sont les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aime plus de toi que tu accomplisses ce qu'il t'a prescrit, ce qu'il t'a enjoint et rendu obligatoire, plutôt que les œuvres surrogatoires qui sont recommandées. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala, « Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » C'est-à-dire que celui qui est constant dans les œuvres surrogatoires qu'il voue à Allah subhanahu wa ta'ala, il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses œuvres surrogatoires jusqu'à quoi ? Jusqu'à obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il fasse ainsi partie des bien-aimés d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce hadith al-Qudsi, il nous a ensuite clarifié les bienfaits et les mérites d'être un de ses alliés et d'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, puis si je l'aime, je serai alors son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il touche et son pied par lequel il marche. Qu'est-ce que cela signifie ? Il est connu de tous que l'ouïe, la vue, la main et le pied sont des créatures, des êtres créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quel est le sens de ce hadith ? Ce qui est visé par ce hadith, comme l'ont expliqué les gens de science, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il aime un de ses serviteurs, alors il va lui accorder la rectitude et la droiture, ainsi que la réussite et le succès dans sa vue, son ouïe, ses mains et ses pieds. C'est-à-dire qu'il va lui faciliter d'accomplir le bien et les choses qu'il aime et qu'il agrée avec ses membres et ses sens. Et il va lui préserver des choses qu'il a interdites, subhanahu wa ta'ala. Également parmi les bienfaits d'être aimé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit ensuite, et s'il me demande quelque chose, je la lui donnerai. C'est-à-dire, s'il invoque Allah, subhanahu wa ta'ala, lui adresse une demande, Allah, subhanahu wa ta'ala, répondra à son invocation. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je le protégerai. Il cherche refuge contre une chose qu'il craint, une chose qui l'a effrayé, une chose dont il a peur. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le protéger et cherche refuge auprès de lui. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui accorder sa protection. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe dans ce hadith que ceux parmi ses serviteurs qui se rapprochent de lui parce qu'il leur enjoint comme obligation et qui font suivre cela en étant constants dans les œuvres surrogatoires, alors Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera son amour. Et le fait d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela leur permettra qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la réussite et la rectitude dans leur ouïe, leur vue, leurs mains et leurs pieds, qu'il exauce leurs demandes et leur accorde la protection. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ses serviteurs croyants et pieux et ses alliés. Ceci est donc une explication concise et résumée des sens de ce hadith. On va donc maintenant énumérer, comme d'habitude, quelques bénéfices que l'on peut tirer de celui-ci. Premièrement, on tire comme bénéfice de ce hadith que le fait de prendre pour ennemis les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci fait partie des grands péchés. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith ? Il dit que celui qui prend pour ennemi un de ses alliés, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui déclare la guerre. Ceci est donc un châtiment précis lié à cette œuvre. Ceci nous indique que cette œuvre, le fait de prendre pour ennemi un des alliés d'Allah, elle fait partie des grands péchés. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'affirmation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des alliés, awliya en arabe. Et il n'est pas possible de renier cela, car ceci est confirmé par les textes du Coran ainsi que de la Sunna. Mais la chose la plus importante à savoir à ce sujet, c'est de savoir qui est le wali, qui est le saint, qui est l'allié d'Allah, le bien-aimé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que pour être un allié d'Allah, il suffit de dire « je suis un wali » ? Est-ce que pour être un allié d'Allah, il suffit de se vêtir d'un vêtement particulier ? Est-ce que pour être un allié d'Allah, il suffit de descendre de telle ou telle lignée ? Ou autre chose encore, qu'ils sont répandus chez certaines personnes ? La réponse est non. Mais pour être un allié d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il faut concrétiser ce qu'il a mentionné, subhanahu wa ta'ala, dans le verset de Sourate Yunus que l'on vient de lire. Alladina amanu. Premièrement, concrétiser la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la foi, comme on l'a dit, ce n'est pas simplement une croyance du cœur. mais c'est également des paroles de la langue et des actes du corps. Donc la première chose à faire pour devenir un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu concrétises la foi. Que tu aies foi en Allah subhanahu wa ta'ala et foi en son messager sallallahu alayhi wa sallam, d'une foi véridique et sincère. Et que tes œuvres, elles confirment ce qu'il y a dans ton cœur. Deuxièmement, il dit subhanahu wa ta'ala, wa kanu yattaqun, et qui craignait, c'est-à-dire qui craignait Allah subhanahu wa ta'ala, qui faisait preuve de piété. Et la taqwa, comme on l'a vu dans des précédents hadiths, elle consiste à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. Donc celui qui est croyant et pieux, qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala d'une foi véridique et qui fait preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala en se soumettant à ses ordres et en délaissant ses interdits, alors il fait certes partie des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci n'est pas réservé à une catégorie de musulmans en dehors d'une autre. Mais tout musulman qui concrétise ces deux caractéristiques mentionnées dans ce verset, alors il fait partie des alliés et des bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi eux. Troisièmement, on compte parmi les bénéfices de ce hadith l'affirmation qu'Allah subhanahu wa ta'ala déclare la guerre à certains serviteurs. Et ce, d'après sa parole dans ce hadith, selon le sens rapproché, je lui déclare certes la guerre à celui qui fait preuve d'hostilité à l'encontre d'un des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également affirmé cela dans son livre, au verset 279 de Surat al-Baqarah, lorsqu'il a dit au sujet de riba, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Et si vous ne le faites pas, c'est-à-dire le fait de délaisser le reliquat de l'intérêt usuraire, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Il n'y a pas de doute que celui contre qui Allah subhanahu wa ta'ala entre en guerre, il est en grand danger. Il court à sa perte. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Quatrièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'affirmation de l'attribut de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que cet amour, il diffère. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala aime certaines choses plus que d'autres. Et ce, d'après sa parole dans ce hadith, et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime le plus, si ce n'est ce que je lui ai prescrit. Cinquièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que les œuvres pieuses, elles rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu médites sur ta situation, lorsque tu accomplis des œuvres pieuses, que tu voues des adorations à Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure manière, en les vouant exclusivement à lui et en te conformant à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et que tu accomplis cette adoration d'un cœur présent, alors tu ressens que tu t'es rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et seuls ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la réussite, ils ressentent cela. Mais sinon, nombre de ses serviteurs, ils prient, ils font des aumônes, ils jeûnent, mais beaucoup d'entre eux, ils ne ressentent pas qu'ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une déficience au niveau de ton œuvre, et tu dois y remédier. Et ce, en perfectionnant ton œuvre, en termes de sincérité et de conformité. En termes de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. En purifiant ton cœur de toute mauvaise intention et en vouant tes adorations exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et t'éloignant de tout ce qui pourrait entacher cela, comme l'ostentation ou la recherche des biens de ce bas monde. Et également, en termes de conformité, en perfectionnant ton œuvre et en l'accomplissant conformément à ce qu'a légiféré Allah subhanahu wa ta'ala à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu fais cela et que tu accomplis tes adorations d'un cœur présent, alors tu ressentiras cette proximité, incha'Allah ta'ala. Et il n'y a pas de doute que ceci aura de l'influence sur ton comportement et sur ta manière d'accomplir les actes d'adoration. Et comme on ne cesse de le répéter, afin de concrétiser cela, il est indispensable pour le serviteur d'élargir ses connaissances religieuses. Car celui qui ne connaît pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré à son messager sallallahu alayhi wa sallam, il ne pourra pas se conformer à la sunna dans son œuvre. De la même manière, celui qui ne connaît pas les détails au sujet de la croyance, au sujet des différentes formes de polythéisme, majeur et mineur, il ne pourra pas purifier son cœur de cela s'il ne le connaît pas. Il est donc indispensable de prendre connaissance de ces choses et de faire des efforts dans l'apprentissage de la science religieuse afin de perfectionner nos œuvres et qu'elles soient pieuses, vouées exclusivement à Allah et conformes à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses œuvres. Sixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala se divisent en deux catégories. La première catégorie, ce sont les obligations, les prescriptions, ce qui est obligatoire pour nous d'accomplir. Et la deuxième catégorie, ce sont les surérogatoires, c'est-à-dire ce qui vient s'ajouter aux prescriptions et qui n'a pas été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala de manière stricte, de sorte à ce que celui qui les délaisse soit dans le péché. C'est-à-dire que la personne a le choix de les accomplir ou de les délaisser. Cependant, mes frères, il est important de souligner que ces œuvres, malgré qu'elles soient surérogatoires, cela ne signifie pas que tu dois les délaisser. Mais cela signifie que si tu les délaisses, tu n'auras pas de péché. Cependant, il te convient de faire des efforts pour multiplier ces œuvres. Car comme on l'a vu dans le hadith, si tu es constant dans cela, tu obtiendras l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Septièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que les œuvres, elles diffèrent selon leur caractère obligatoire ou non et selon leur sorte. C'est-à-dire que les œuvres obligatoires, elles sont plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala que les œuvres surérogatoires. Et selon leur sorte, par exemple, la prière, elle est plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce qui est moindre qu'elle parmi les obligations. En effet, lorsqu'Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, a interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé quelle est l'œuvre la plus aimée d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu la prière en son temps. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala. Donc les œuvres, elles diffèrent selon leur caractère obligatoire ou non. L'œuvre obligatoire, elle est plus aimée par Allah que l'œuvre surérogatoire. Et elles diffèrent selon leur sorte. Comme on a dit, la prière est plus aimée que les autres adorations et les autres prescriptions. Et également, les prières en elles-mêmes, elles peuvent différer selon la manière dont elles sont accomplies par leurs auteurs. Comme on l'a déjà mentionné dans d'autres cours, il se peut que deux personnes prient l'une à côté de l'autre la même prière, mais que leur rang et la récompense de leur prière auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala diffèrent d'une différence aussi grande que l'espace qu'il y a entre le ciel et la terre, et ce d'après ce qu'il y a dans leur cœur. Il se peut que l'un prie par ostentation et l'autre prie ne recherchant que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ceci qui fait la différence. Donc on voit l'importance, une fois de plus, de purifier nos cœurs de tout ce qui peut entacher la récompense de nos œuvres. Huitièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'encouragement à multiplier les œuvres surérogatoires. Et ce, d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith, « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Donc le fait de multiplier les œuvres surérogatoires et d'être constant dans cela, c'est une cause pour obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il y a de plus grand et de plus immense que le serviteur puisse obtenir dans ce bas monde que l'amour de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Cependant, mes frères, on souligne une fois de plus l'importance de savoir qu'il ne suffit pas de multiplier les œuvres surérogatoires, mais que la rétribution et la récompense de tes œuvres, elles dépendent de quoi ? Elles dépendent de leur conformité à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que cette œuvre est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala ? Est-ce qu'elle est conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ? Il y a des gens qui passent leur journée et leur nuit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces adorations, elles ne font que les éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala et on demande à Allah de nous préserver. Pourquoi ? Ou bien, ils n'accomplissent pas ces œuvres exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors, il se peut qu'ils accomplissent des œuvres sincèrement pour Allah, recherchant uniquement son agrément, mais qu'ils accomplissent des œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiférées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit, comme on l'a vu dans le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors son œuvre sera rejetée. Donc l'objectif, ce n'est pas simplement de multiplier les œuvres surérogatoires, mais il faut que tu veilles à ce que ces œuvres surérogatoires, elles soient sincères pour Allah et conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit dans son commentaire, nous disons cela, ce n'est pas pour faire désespérer les gens, mais c'est pour vous encourager à perfectionner vos adorations, à parfaire vos œuvres, afin que le serviteur obtienne la récompense de ses œuvres qui découlent de celles-ci, ici-bas et dans l'au-delà. En effet, on voit beaucoup de gens, ils prient, ils jeûnent, ils donnent des aumônes, mais tu vois que leur cœur, il ne s'éloigne pas des choses blâmables. Tu vois que leur cœur, il est encore attaché à des choses qui comptent parmi les péchés. Et son cœur ne se réforme pas. Et le manquement, comme on l'a déjà vu, il provient de quoi ? Est-ce qu'il provient de la prière ? Est-ce qu'il provient de l'aumône ? Est-ce qu'il provient du jeûne ? Non. Le problème et le manquement et la déficience, ils proviennent de ce qu'il y a dans ton cœur. Ils proviennent de ta personne, de tes manquements à toi, en termes de concrétisation des conditions d'acceptation des œuvres et de la présence de ton cœur lors de l'accomplissement de ces adorations. Neuvièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime un de ses serviteurs, il lui accorde alors la rectitude et la droiture dans son ouïe, dans sa vue, dans sa main et dans ses pieds. C'est-à-dire que dans l'ensemble de ses sens et de ses membres, il obtiendra la rectitude et la droiture de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. De sorte à ce qu'il n'écoute que ce qui lui permet d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il écoute, il va tirer profit de ce qu'il écoute. De la même manière, son regard, il ne va pas laisser aller son regard ici et là, mais il ne va regarder que ce qui lui permet d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il regarde, il va profiter de ce qu'il regarde. Et il en est de même pour ses mains et pour ses pieds. Il ne fera avec ses membres que ce qui lui permet d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne touchera que ce qui lui est profitable et ne se rendra avec ses pieds que dans des endroits qui lui permettent d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui seront profitables ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Et ceci est une des récompenses immenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs qu'il aime. Dixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il aime un de ses serviteurs, il répond à ses invocations et lui donne ce qu'il demande. Et s'il cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre une chose qu'il craint, alors Allah subhanahu wa ta'ala le protège de cette chose qu'il craint. Il obtient donc ce qu'il demande et il est préservé de ce qu'il craint. Et ceci également est une récompense immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, une question se pose. Est-ce que ceci est vrai de manière absolue ? C'est-à-dire que la personne qui a multiplié les actes surérogatoires après s'être acquitté de ses obligations et qui a ainsi obtenu l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tout ce qu'il demande, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder ? La réponse est non. Car les textes apportent des précisions les uns aux autres. Et on sait d'après d'autres textes que celui qui invoque pour un péché ou pour une rupture d'un lien de parenté ou de manière injuste contre une personne, celui-ci n'est pas exaucé. Même s'il fait partie de ceux qui multiplient les œuvres surérogatoires. Même s'il a atteint ce rang immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé son amour, s'il invoque pour un péché ou pour une rupture d'un lien de parenté ou pour une injustice, Allah subhanahu wa ta'ala ne répond pas à sa demande. Car Allah subhanahu wa ta'ala est juste et équitable et il ne répond pas à ce genre d'invocation. Enfin, onzièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde des prodiges à ses alliés. Et parmi ces prodiges qu'il accorde à ses alliés, il y a le fait qu'il déclare la guerre à quiconque les prend pour ennemis. Et ceci est une grâce immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à ses bien-aimés et ses alliés, ceux qui ont cru en lui et qui ont fait preuve de piété à son égard en se soumettant à ses ordres et en délaissant ses interdits. Ceci était donc quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.